Chapitre 3. Est-il besoin d'ajouter que tout cet ensemble de superstitions auquel le culte divin le véridique a donné naissance n'est, aux yeux même de nos paysans, qu'une perversion du culte pur, autrement large, autrement humain, qu'ils rendent aux vraies saintives? Parcourez les chaumières du littoral, ou comme on dit en breton, de l'Armor Trégorois. Ce qui vous frappe dès le seuil, c'est une enluminure naïve, peinte à fresque, par un artiste sans prétention, à l'endroit le plus éclairé de la maison, généralement dans l'embrasure de la fenêtre, là où s'épinglent aussi, en leur cadre rococo, les photographies fanées des membres de la famille. 9 fois sur 10, cette enluminure représente Saint-Yves, et d'une chaumière à l'autre, le type est invariablement le même. Figure imberbe et douce, le corps figé en une raideur sacerdotale, une bourse dans la main droite, un livre dans la gauche, l'air d'un tout jeune prêtre, frais et moulu du séminaire, d'un cloarec, clair, récemment promu au gouvernement des âmes. J'ai connu dans mon enfance des vicaires qui ressemblaient à cette image, trait pour trait, blond, rose, le geste embarrassé, les yeux méditatifs, un mélange de paysannerie et de mysticité. Il exista jadis, de par la Bretagne, une confrérie nomade de peintres rustiques qui s'en allait de bourg en bourg, illustrant ainsi de motifs pieux les demeures des humbles. Médiocres barbouilleurs pour la plupart, mais que tourmentait néanmoins un grand rêve d'idéalisme et qui parfois avaient d'heureuses rencontres, des hasards d'inspiration dignes du vieil Orcagna. Je crains fort que dans ces imagiers populaires, Mabic Raymond ne soit chez nous le dernier. Il est une des physionomies les plus originales de la Bretagne finissante. J'ai tenu à lui faire visite, il y a quelques mois. Sa bicoque couronne un rocher de la romantique vallée du Guindy. Note. Le Guindy conflue avec le Jaudy en aval de Tréguier. Fin de note. À 2 kilomètres de Tréguier. Du dehors, c'est n'importe quelle masure. À l'intérieur, c'est proprement un sanctuaire. L'hôtel même y est, au bas-bout de la maison, faisant face au foyer. Au-dessus, un tabernacle en terre glaise, enjolivé d'un mirifique Saint-Sacrement. Comme meubles, le strict nécessaire, un lit, une armoire, accolés l'un à l'autre, ayant cette gêne vague des choses qui se sentent dépaysées. Quant au reste, des murs vides, ou plutôt peuplés à l'excès, des surabondantes visions de Mabic. Au moment où je franchis le seuil, le maître de séant est assis dans l'âtre sur une escabelle et surveille la cuisson du repas de midi. Il m'accueille sans se déranger à la façon bretonne. « Si vous êtes chrétien, vous êtes ici chez vous », me dit-il avec cette politesse tranquille des hommes du peuple en Basse-Bretagne qui laissent les gens venir à eux. 2 mascarons grossièrement pétris font saillie aux 2 angles de la cheminée. L'un tient entre les lèvres, en guise de pipe, la pince en fer du gololutique, de la longue et fluette et torse chandelle de résine. Celui-là, m'explique Mabic, c'est Ravachol, et l'autre vis-à-vis, c'est le diable qui le tente. Le petit journal a pénétré jusque chez cet illettré d'Armorique. Nous sommes vite devenus bons amis. Je parle breton et il fume. Tout en puisant à mon tabac, il me raconte sa vie. Il est né, suivant son expression, dans une douve quelconque, comme une herbe de hasard. Et depuis lors, il ramonne. Entre-temps, il s'est marié et a été, comme il dit, veuf et reveuf. Il en est actuellement à sa 4e femme. Et comme je témoigne quelques commisérations, « Oh, fait-il philosophiquement, elles sont toujours un peu avariées quand elles m'épousent. » Mais il ajoute aussitôt, « Toute jolie en revanche, mes voisins vous le diront. » Lui, elle est, chauve, la barbe hirsute et horde, les prunelles de travers, un paysan du Danube, y compris l'éloquence, avec la suie en plus des plaques de noir de fumée encroûtant ses vieilles joues. Si on lui demande pourquoi, ayant la rivière à sa porte, il ne s'y lave jamais, il répond non sans malice que pendant 1 quart d'heure au moins, cela troublerait l'âme claire de l'eau courante et la dégoûterait peut-être de chanter. Elle a bien assez à faire, prétend-il, de décrasser les bourgeois. Ces bourgeois, il les exècre. Il a pour eux le mépris chevelu des rapins de 1830, interprété dans une langue dont je me refuse à traduire les violences pittoresques. Parlons un peu de vos saints, Mabic Raymond. Commentez-moi votre musée. Voilà, c'est sur ces murailles que je m'essaie. Quand j'ai campé mon bonhomme et que je l'ai désormais à la main, je passe par-dessus une couche de lait chaud et j'entreprends autre chose. Vous voyez ce Saint-Trémeur, je l'ai refait 15 fois. C'est très difficile à attraper, un personnage de cette sorte, qui a sa tête dans les bras au lieu de la porter sur ses épaules. Ce Saint-Laurent aussi m'a coûté beaucoup de peine, et plus encore ce Saint-Herbault. Mes modèles, parbleu, les statues de bois ou de pierre, devant qui je m'agenouille dans les chapelles, durant mes campagnes de ramonage à travers le pays trégorrois, depuis Plestin jusqu'à Paimpol. Je les contemple, je les prie, et j'emporte leur image dans mes yeux. Il est resté fidèle, en effet, à la tradition ancienne. Les primitifs bretons lui ont légué leur secret avec leur âme, et il reproduit avec une sincérité surprenante leur fer inhabile et si expressif. Cela est d'un art simpliste, presque grossier, et où cependant se manifeste à la fois un symbolisme d'une qualité rare et un sentiment très précis de la réalité. Quand et comment vous est-elle venue, ma bique, l'idée de vous faire peintureur de saints ? Eh, sait-on pourquoi les étoiles se lèvent lorsque descend la nuit ? J'ai toujours aimé les belles choses des églises, des vieilles églises d'autrefois, lesquelles étaient pleines de merveilles qu'on ne verra plus. Tout enfant, en cheminant comme ça de quartier en quartier pour exercer mon métier de ramoneur, il m'arrivait souvent de coucher dans des sanctuaires abandonnés des fabriques et dont on ne songeait même plus à fermer la porte. Je restais longtemps sans dormir ou bien je me réveillais sans cesse et je croyais entendre dans l'ombre les pauvres saints pleurer. Ils me disaient « Mabic, nous sommes plus âgés que ne le serait aujourd'hui ton trisaïeul. » Note. On dit en breton « Dada Koun, ton père doux. » Fin de note. Notre sort est triste. Quand nous aurons fini de pourrir, qui se souviendra de notre visage ? Puis, écoutez-moi bien, les femmes font quelquefois des scènes. En pareil cas, moi je déguerpis. Vous n'êtes pas sans connaître l'oratoire en ruine de Saint-Éloude, dans la Pinède, un peu au-dessus de la fontaine de minuit. Note. C'est peut-être le site le plus gracieux de l'exquise vallée du Guindy. La rivière en bas, claire, chantante, déroulant sur un lit de gravier, à travers des prés d'un vert intense, ses méandres harmonieux. Sur une des collines de la rive gauche, un bois de pins, et à son ombre, les ruines de l'oratoire. Celui-ci devait couvrir à peine 3 mètres carrés de superficie. Il était bâti de quelques pierres mal liées avec de l'argile. On raconte que Saint-Élude, le même, j'imagine, que Saint-Iltude, eut là son ermitage. Quant à la fontaine de minuit, Fintin Anternose, son eau mystérieuse filtre d'un rocher au pied de la colline. J'ai dessein de raconter ailleurs ses vertus. Fin de note. Là, j'ai mon refuge, ma maison de paix. Là, plus de bruit humain, plus de paroles querelleuses, mais une solitude profonde où les jours s'écoulent avec lenteur sous les grands arbres mélodieux. Un hiver, peu de temps après mes secondes noces, j'y vécus un peu plus d'une semaine. J'avais pris pour ma nourriture quelques croûtes de pain, et quant à la boisson, je n'avais qu'à puiser à la source. Les nuits étaient lumineuses et glacées, je m'étais aménagé un toit de fougère qui me garantissait la tête. Un feu d'aiguille de pin me réchauffait les pieds. Or, un soir que je venais de m'assoupir, quelqu'un m'appela par mon nom. Je rouvris les yeux, et devant moi, dans la brume blanche qui s'élevait de la vallée, je vis surgir une apparition. C'était un fantôme de saint que je reconnus aussitôt. C'était Yves de Kervarzin, le prêtre secourable, hébergeur des vagabonds et patron des sans-le-sous. Note. « Un doud à Bimpliard, disait Mabic. Les gens de Saint-Cliard. » Fin de note. Tel il s'est montré à moi cette nuit-là, tel je l'ai représenté depuis partout où j'ai pu, avec sa toque noire, avec sa longue soutane, avec son aube fine si étincelante qu'elle semblait tissée de clair de lune. C'est lui qui a commencé ma réputation. Je l'ai peint d'abord dans une ferme, puis dans une autre. Dès que j'entrais dans une maison, on m'appréhendait à la veste. « Ramone ou ne ramone pas, cela nous est égal. Mais tu vas le dessiner là, tu vas dessiner ton Saint-Erwan. » Aujourd'hui encore, quand je passe devant les seuils, les petits-enfants s'attroupent et crient « C'est ma bigue Raymond, c'est l'oiseau noir de Saint-Yves. » Les meilleures choses, hélas, n'ont qu'un temps. Reste-t-il, en Trégor, reste-t-il une seule maison de marin ou de paysan qui n'ait point sur sa muraille la grande image sacrée ? Pauvre de moi, j'ai dû chercher d'autres motifs. Oh, je sais bien. Dans notre pays, ce ne sont pas les saints qui manquent. En ces parages même, il en débarqua des batelets qui avaient pour pilote Lévias et Tudual pour capitaine. Je les connais tous. Au besoin, je vous dirai leur nom, leur histoire et la figure qu'ils ont laissée d'eux. Je puis, avec un peu de terre à briques et de noir de fumée, leur redonner un semblant de vie. On me commande « Fais-nous tel saint, Mabic », et je le fais. Mais, voyez-vous, si j'étais maître de ma destinée, je ne peindrais jamais que des Saintives. Les galopins des campagnes ont raison. Peintre de Saintives je suis, peintre de Saintives je mourrai. Ainsi me parla Mabic Raymond, en ce paisible après-midi d'août, où je fus momentanément son hôte, tandis que le moulin de Job Andou tic-taquait ferme au creux du vallon et que les cloches du Minihi carillonnaient pour un baptême. Chapitre 4. Deux années auparavant, aux vacances de 1890, j'étais assis sous les grands ombrages du jardin de Rosmapamon, et là, le plus merveilleux enchanteur que la Bretagne ait produit depuis Merlin évoquait devant un groupe d'intimes, à propos de l'inauguration alors prochaine du nouveau tombeau de Saint-Yves, les souvenirs de son enfance qui se rattachaient à l'ancien monument. « Je ne l'ai pas vu de mes yeux, disait-il, il avait été détruit pendant la Révolution par ce bataillon de vandales étampois qui a laissé dans toute notre armorique tant de traces funestes de son passage. Mais les personnes vénérables de mon entourage en avaient retenu l'image dans leur mémoire. Elles m'en ont souvent fait la description. C'était vraisemblablement une très belle chose. Nos sculpteurs de pierre du XVe siècle étaient des artistes ingénieux et très personnels. Il est bien regrettable qu'un tel chef-d'œuvre ait disparu. De mon temps, il n'y avait plus à la place où il s'éleva qu'une dalle en marbre rouge que je me souviens d'avoir vue. Ma mère avait sa chaise tout à côté, au pied de la chaire. Cette dalle fut enlevée depuis quand on conçut le projet de rétablir le monument. Et l'on pratiqua des fouilles dans l'espoir de découvrir des reliques. Croiriez-vous que l'on ne trouva rien ? Cela est à l'honneur de la probité toute bretonne de nos ecclésiastiques. Des prêtres italiens eussent infailliblement découvert quelque chose. Par un respect peut-être trop scrupuleux de la tradition, on a édifié le nouveau cénotaphe sur l'emplacement de l'ancien. Je le déplore. Où il est, il manque d'air et de lointain. En tout autre lieu, dans le cœur du duc, par exemple, il eût fait meilleure figure. Il serait du moins à souhaiter qu'à l'aide d'un fond approprié, de couleur sombre, on lui permît de ressortir davantage. Note. Voir la description que M. de la Borderie a donnée du tombeau. On sait d'ailleurs les beaux travaux que ce savant a consacrés à la mémoire du saint. Fin de note. Je déplore aussi que dans la galerie des personnages qui font cortège à la statue de Saint-Yves, on ait omis ce bon Jehan de Kergoz, qui fut son mentor, le plus vigilant de ses amis. J'ai visité autrefois, dans un vieux manoir de Kerborz, la salle où ils étudièrent ensemble, Jehan faisant l'office de répétiteur. Quand vint l'heure du départ si redouté des mères bretonnes, du départ pour Paris, c'est à Jehan de Kergoz que Dame Azou du Quinquise confia son fils avec les plus minutieuses recommandations. Il prit sa tâche au sérieux et conduisit Yves, comme par la main, jusqu'à l'âge d'homme. Vous savez que celui-ci mourut prématurément. Jehan s'obstina à vivre jusqu'à ce qu'il lui eût été donné d'assister à la canonisation de son élève. Il vint déposer à l'enquête et ce dut être, j'imagine, un très beau spectacle. Il avait plus de 90 ans. Néanmoins, il parla avec un enthousiasme si juvénile que, non content de convaincre son auditoire, il le fit pleurer. C'est dans cette attitude qu'il eût fallu le représenter sur une des faces du tombeau. Je l'y ai cherché en vain, c'est une lacune fort regrettable. Je reproduis avec une fidélité textuelle les termes de la causerie. Quant au reste, hélas, quant à cette grâce, à la fois si simple et si subtile, dont il paraît les moindres choses, le prestigieux conteur en a emporté le secret. J'étais à Tréguier le lundi 8 septembre, deuxième jour du Triduum. Le contraste était saisissant de ces vieilles rues engourdies depuis des siècles dans une somnolence de cloître et de ces longues foules sinueuses et grouillantes, labourées de profonds remous. Le dirais-je ? L'éclat même donné à ces fêtes froissa dès l'abord ma religiosité bretonne. Il y avait là trop de mise en scène, une orchestration trop savante, trop de curieuses aussi, trop de blagueurs, trop de photographes. Notre race a des pudeurs jalouses, surtout quand il s'agit du plus intime d'elle, de ses exquises dévotions surannées où elle se réfugie et se complaît. soudâpre dehors, elle est discrète, fine, l'ostentation l'effarouche. À ses pardons habituels, vous n'entendrez guère que des sons voilés de tambours et le sifflet pastoral des fifres. Le tintamarre des cuivres bouleverse l'harmonie de son rêve intérieur qu'elle ose à peine se murmurer à elle-même. Pour moi, tout ce bruit me choquait d'autant plus, en cette circonstance, que je savais de quelle réserve délicate s'enveloppe au pays de Tréguier le culte de Saint-Yves. Dès les premières nuits de mai, alors que, selon la jolie expression locale, le ciel s'ouvre, semble planer du plus haut sur la terre, l'usage est de se rendre au Minihi par la route obscure et odorante bordée d'aubépines en fleurs. On se réunit après souper par groupes au pied de l'immense calvaire qui marque l'entrée de l'asile de l'âge sacré. C'est à la fois une promenade et une procession. On chemine à pas lents sous les étoiles, l'air est doux, traversé de senteurs balsamiques, nulle croix en tête, pas de clergé ni de chantre, le silence est de rigueur. Les prières s'exhalent en un vague chuchotement qui ne trouble point la paix des choses, c'est comme un défilé d'ombre dans la nuit. Les vieilles citadines, aux délicieuses cornettes d'autrefois, étouffent leurs pas menus dans des chaussons de ouate, les mains dissimulées sous l'ampleur des manches, à la façon des nonnes. Le long des douves, d'intervalles en intervalles, des mendiants sont accroupis, manchots, cul-de-jatte, aveugles, lépreux, la plupart agitant des torches qui avivent leurs plaies de larges reflets sanglants, tous clamant et se renvoyant de l'un à l'autre avec un singulier mélange de cabotinage et de sincérité la mélopée tragique de leur misère. D'aucuns ont les genoux comme incrustés dans le sol. On les prendrait à leur immobilité pour des statues. D'autres sont debout, la tête rejetée en arrière, et dans le blanc de leurs yeux convulsés se réfléchit par instants la lueur des astres. D'autres encore montrent d'un beau geste toute une smala endormie autour d'eux, des chérubins crépus couchés à même dans l'herbe du fossé et sur qui veille une chandelle de suif avec une fougère pour support. Et les lamentations éclatent, voix rauques de vieillards, glapissements aigus de femmes « En anno Santerwan !» Un anno Santerwan. Note. Au nom de Saint-Yves. Au nom de Saint-Yves. L'aumône versée, la plainte s'apaise, et le silence redevient profond. Durant tout le trajet, les pèlerins n'échangent pas une parole. C'est le pardon mout, le pardon taciturne, une des formes les plus usitées de la dévotion bretonne. Une population qui entend de la sorte la piété n'est guère faite, on en conviendra, pour goûter les manifestations pompeuses, toujours un peu mêlées et discordantes. « Madoué, murmurait auprès de moi une paysanne de Louanec, comment prier au milieu de tout ce bruit ?» Il y avait là des milliers de gens qui pensaient comme cette paysanne. Qu'on ne m'accuse pas au moins d'incriminer en bloc par esprit de dénigrement, c'est fait que l'opinion générale s'accorda à trouver réussi, et dont quelques épisodes, le feu d'artifice mis à part, eurent un caractère d'incontestable beauté. Telle, entre autres, cette veillée des fidèles dans la cathédrale pendant la nuit du lundi au mardi. Une chose très bretonne, celle-là, très impressionnante aussi. Lorsque je pénétrai à l'intérieur de l'église, il était une heure avancée. Malgré la fraîcheur nocturne et les courants d'air qui s'engouffraient par les portes ouvertes, on respirait une tiédeur fade, l'haleine épaissie de la multitude prosternée là, et sommeillant à demi, en des poses d'hébétement et de lassitude. Les lourds piliers montaient, humides, moussus, pareils à d'immenses troncs d'arbres, balançant là-haut sous les voûtes, au vacillement de quelques cierges, de mystérieuses frondaisons d'ombre. Une oraison éparse, continue, monotone, rôdait à travers le silence, courait comme un vol de bourdon sur toutes les lèvres, peut-être même sur celle des évêques de pierre, couchés, les mains jointes, sous le cintre bas des enfeux. Dans toute cette obscurité confuse et chuchotante, une seule chose lumineuse, le tombeau, sorte de catafalque blanc, vivement éclairé par une forêt de cires ardentes et où reposait, blanche aussi, de l'étincelante blancheur du marbre, l'image funéraire de Saint-Yves. Le long de la grille qui entoure le monument, c'était un perpétuel glissement de silhouettes fantomatiques dans un bruit de prières et de chapelets égrenés. Soudain, une voix isolée, une voix d'homme, large et pleine, entonna sur l'air d'une vieille complainte guerrière la Gwerz de Lézobré, un cantique en langue armoricaine composé par un prêtre de l'endroit. Le chanoine, le pont. Nen eusket en breiz, nen eusket hunan, nen eusket eursant evel sant erwan. Il n'y a pas en Bretagne, il n'y en a pas un, il n'y a pas un saint comme Saint-Yves. Cela fit l'effet d'une diane dans la cour d'une caserne endormie. Un grand frisson secoua la foule. Les plus engourdis sursautèrent. Un cœur formidable se mit à répéter chaque verset à la suite du chanteur. Ce fut une clameur folle, éperdue, dont toute la cathédrale vibra. Les cierges eux-mêmes, comme ranimés, brûlèrent d'une clarté plus joyeuse, puis, les voix s'éteignant, tout s'assombrit de nouveau. Et l'on ne vit plus de lumineux au fond de la nef que le blanc cadavre de Saint-Yves, veillé par un peuple de pauvres gens. Le lendemain, dans une flambée de soleil, à l'issue de la grand-messe, les processions débouchaient du porche. 20 paroisses étaient là, clergé en tête, et tous les évêques bretons, successeurs des Pauls, des Brieucs, des Tuduales, et tous les béguinages de la vieille cité monacale, les coiffes rabattues sur le visage, les yeux décolorés et craintifs. Les cloches se mirent en branle, non seulement celles de la cathédrale et des couvents voisins, mais celles encore des bourgs les plus rapprochés de Plouguiel, du Minihi, de Trédarzec, de Kerborz, si bien que cela roulait et retentissait dans tout l'espace comme les grandes houles ondulées d'une mer sonore. Le défilé commença. Entre deux rangs d'oriflammes se balançaient, à des hampes aussi solides que des mâts, les bannières splendidement ouvragées des paroisses, les unes toutes neuves et comme constellées, les autres plus vénérables, étalant avec une sorte de gloire leurs ordres illustrés et leurs broderies éteintes. Sur la plupart se détachaient presque en relief les lourdes images des saints du Trégor. On lisait les noms au passage, Trémeur, Tryphine, Coupaïa, Bergat, Cesny, Gwénolé, Gonéry, Libouban, toute une litanie barbare que les étrangers, accourus en amateurs des villégiatures de la côte, s'efforçaient en vain d'épeler. Devant le crâne d'Yves Ellouri, enchâssé dans un magnifique reliquaire, marchaient 6 pages vêtus de jaune et de noir, aux couleurs du saint, et portant sur la poitrine les armes de Kervarzin, 4 merlettes sur champ d'or. Derrière venaient les prélats, les prêtres, la foule suivait, chantant sur le ton du vieil hymne de guerre, le cantique de Sant Erwan. C'était assurément très beau. On fit, en cet appareil grandiose, le tour des rues de Tréguier, mais, au grand étonnement des fidèles, on ne s'engagea point sur les terres du Minihi. On alla par rendre visite à Saint-Yves dans sa vraie maison. Je me plais à croire que ce fut par respect pour de certaines convenances que les Bretons ont coutume de formuler dans cet adage « à chaque pays son pardon ». Chapitre 5. Il n'y en a qu'un qui soit proprement le pardon de Saint-Yves. C'est celui qui se célèbre au Minihi dans la journée du 19 mai. Nous demeurions, en ce temps-là, à peine vénants. Un gros bourg triste, sur un plateau dénudé, coupé de talus broussailleux entre le Guindy et la mer. La commune est vaste. Dans l'intérieur vivent des laboureurs aisés, semeurs de froment et pasteurs de troupeaux. Quelques-uns sont riches, ont des fermes spacieuses, bâties en pierre de taille comme des manoirs. Il n'en est pas de même des clans de pêcheurs, disséminés le long du littoral. L'aisance est à peu près inconnue dans ces hameaux. Les hommes en sont absents pendant 5 et 6 mois de l'année, presque tous occupés aux campagnes lointaines et périlleuses de Terre-Neuve ou d'Islande. Beaucoup ne reviennent jamais. Leurs familles tombent dans la détresse, vont grossir la bande des chercheurs de pain. On sait d'ailleurs qu'en Bretagne, ce n'est pas une honte de mendier, si même ce n'est pas un honneur. Les misérables, comme les fous, sont tenus pour des êtres sacrés. Qui leur manque de respect encourt la damnation éternelle. Aussi les traite-t-on avec les plus grands égards. Ils ont partout leur écuelle dans le dressoir, leur paillet sous la grange ou dans l'étable. Au pays de Tréguier, ils forment une espèce de corporation et s'intitulent eux-mêmes, non sans orgueil, les clients de Saint-Yves. Quand sa fête approche, infirmes et loqueteux se redressent dans leur haillon, font sonner allègrement leurs béquilles. « Voici notre pardon, » disent-ils. « Pardonne à Bévienne, le pardon des pauvres. » Je voudrais esquisser en quelques lignes la physionomie de l'un de ses clients du sein, le plus honnête homme peut-être que j'ai connu. On l'appelait Baptiste tout court, comme s'il n'eût jamais eu d'autre nom. Il habitait sur la route de Lannion, une masure à laquelle il ne manquait guère que des murailles et un toit. La pluie et la neige y avaient leurs libres entrées, et le vent s'y installait comme chez lui. Les chats sans domicile pullulaient dans les recoins, indépendamment de quantité d'autres bêtes. Quand on en plaisantait Baptiste, il vous répondait avec une philosophie tranquille « Duma nenti anol »« Chez moi, c'est la maison de tout le monde ». Il avait des idées très particulières sur l'hospitalité. C'était un sage, à la manière des cyniques, professant pour les réalités extérieures une sereine indifférence, n'attachant de prix qu'aux choses de l'âme. Cependant, il tenait beaucoup à sa pipe, et son front se rembrunissait dès qu'il n'avait plus de quoi fumer. Un petit verre d'eau-de-vie de temps en temps n'était pas non plus pour lui déplaire. Mais voilà tout. Nulle autre passion ne troubla ce cœur simple. Il entra dans la tombe aussi pure qu'au sortir de son berceau d'enfant. Il mourut, aux abords de sa 80e année, une nuit de verglas, sans un témoin, sans un cri, s'étant lui-même fermé les yeux, selon l'expression de la voisine qui la première s'aperçut de sa mort. Quand on lui retira ses vêtements, on trouva dans ses poches, outre sa pipe et sa blague, un vieux morceau de lettre qu'on ne put déchiffrer, et sur sa maigre poitrine velue, un scapulaire. Quelques jours auparavant, il avait accosté mon père dans la rue. « Je compte sur vous pour me prêter un drap, lorsque le moment sera venu de m'ensevelir. » Il ne doutait point d'être un jour à même de le rendre dans l'autre monde. Ainsi les anciens Celtes se fixaient des échéances par-delà le terme de cette vie. Baptiste différait en ceci des pauvres gens, ses confrères. Non seulement il ne demandait pas l'aumône, mais il la repoussait, avec une colère mal contenue, si gracieusement qu'elle lui fût offerte. Là-dessus, il était intraitable. Il prétendait que le pain qui n'a pas été gagné étouffe qui le mange. En descendant le matin, je le trouvais souvent installé dans l'âtre de la cuisine et fumant. Il avait un sentiment inné de la délicatesse, prenait toujours prétexte de sa pipe à allumer ou d'une nouvelle à dire pour entrer dans les maisons. Encore fallait-il qu'il eût en sympathie les hôtes. Moi, il m'aimait pour les choses que j'aimais. Pour tout le passé breton, dont je tâchais dès lors à rassembler les reliques. Quant à mes parents, ils ne connaissaient dans son entourage personne qui leur fût comparable. En quoi il avait bien raison, l'excellent homme. J'allais à lui, nous nous serrions la main, et l'on causait. Survenait ma mère, qui le priait à déjeuner sans façon. Au cas où vous auriez quelque besogne à me donner, oui. Sinon, vous savez que c'est non. Il y avait toujours quelque besogne en réserve pour Baptiste. On lui gardait de préférence celle qui paraissait exiger beaucoup de force, comme de transporter du fumier ou de fendre du bois. Il s'en acquittait avec une inhabilité charmante, le pauvre vieux, mais c'était une âme douce, prompte aux illusions. Il se persuadait de bonne foi qu'il avait fait merveille et mesurait la qualité de son travail à la sueur ruisselante sur ses joues évidées. « Vous vous fatiguez trop, Baptiste, lui disait ma mère. Nous vous tuerons 10 ans plus tôt. » Ce compliment le touchait au moelle. Il rayonnait. Nous le faisions asseoir à table, au milieu de nous, comme c'est l'usage dans les anciennes demeures bretonnes. Il avait très faim, ne goûtant pas au pain tous les jours, et cependant il fallait le forcer à manger. Que de fois, à son insu, nous lui avons empli les poches. Sa conversation était des plus intéressantes. Il avait vu vivre beaucoup de monde et passer beaucoup de choses. Des trésors de connaissances populaires accumulés roulaient pêle-mêle dans sa mémoire, ainsi que les galets sur la grève à l'heure de la marée montante. Je pillais dans le tas à la façon des ramasseurs d'épaves. Un soir, il se montra sur notre seuil, décemment vêtu de haillons presque propres. « Voulez-vous assister au pardon des pauvres ?» me demanda-t-il. « Je suis attendu chez le fermier de Saint-Yves, mon ami Yaoulank, à qui j'ai rendu quelques services. » L'aubaine était des meilleures, je m'empressais d'accepter. Déjà au cours de l'après-midi, j'avais cru remarquer que le bourg était plus animé que de coutume. De tous les petits chemins de grève débouchaient des troupes de mendiants. Hommes, femmes, enfants, ils traversaient la place sans s'arrêter, sans même jeter un regard aux portes des maisons, puis tournaient à l'angle de la route de Tréguier où ils disparaissaient entre les haies des ajoncs reverdis. Nous prîmes la même direction, il était près de 7 heures. Derrière nous, du côté de Perros, Le soleil, à son déclin, ressemblait à la gueule embrasée d'un four. Sur nos têtes, de petites nues floconneuses, blanches comme une laine qui sort du lavoir, dormaient au fond du ciel, suspendues et immobiles. Quoique ses jarrets eussent fléchi sous le poids de l'âge, Baptiste ne laissait pas de cheminer d'une allure assez ingambe. Comme je lui en faisais l'observation, « Qui n'est pauvre doit avoir bon pied », me dit-il, dans la forme sentencieuse qui lui était habituelle. Ce n'est pas sans raison qu'on appelle les gens de ma sorte des balayeurs bros, des batteurs de pays. Le pain ne venant pas à nous de lui-même, force nous aide à aller à lui, et c'est un métier où il faut des jambes, ou des béquilles, ajouta-t-il en me montrant un éclopé qui se tortillait un peu en avant de nous, entre ses deux piquets de bois. Baptiste continua, « Les livres vous ont sans doute appris quel marcheur était Saint-Yves, notre patron. Apprenez-le-moi, parrain, les livres ne parlent point de ces choses. De quoi parle-t-il donc? En tout cas, voici. » Quand Yves fut d'âge à fréquenter l'école, ses parents se trouvèrent fort embarrassés. Il n'y avait pas à cette époque dans toute la région du Trégor un seul maître qui fût digne de lui donner des leçons. À Ivillas, il y en avait un, très savant. Note. Cette légende est probablement née d'un rapprochement établi par la logique populaire entre le nom d'Yves et celui d'Ivillas. Fin de note. Mais c'était là-bas, au fin fond du Gouélo, à 8 lieues du Minihi. Et Azou du Quinquise ne voulait mettre son fils en classe qu'à la condition qu'il prendrait tous ses repas au milieu des siens et qu'il rentrerait couché au logis chaque soir. L'idée de se séparer de lui complètement lui était trop cruelle. D'autre part, il importait de le faire instruire au plus vite pour qu'il devînt un grand saint. Yves s'aperçut que sa mère avait de longues heures de tristesse et finit par lui demander la cause de son chagrin. « Ce n'est que cela, s'écria-t-il, ficelle-moi mon abécédaire et mon catéchisme. » « Demain matin, à la première aube, je partirai pour Ivillas, et sois tranquille, avant midi je serai de retour. » On le laissa faire à sa tête, il se mit en route pour Ivillas, portant sur l'épaule son petit paquet de livres, noué d'une ficelle. Il était déjà à sa place dans son banc quand les autres écoliers arrivèrent. Il y demeura, sans bouger, bien attentif et bien appliqué, jusque vers 11h30. À ce moment, il se leva. « Qu'avez-vous donc ?» lui demanda le maître. « Il est temps que je parte. J'entends le pas du sacristain du Mini montant les marches de la tour pour aller sonner l'Angélus. Cela n'est pas possible. Mettez votre pied sur le mien. Vous entendrez comme moi. » L'Angélus de midi n'avait pas fini de sonner que le jeune saint était de retour auprès de sa mère dans la grande salle de Kervarzin. Ce fut, dit-on, son premier miracle. 2 années durant, il le renouvela 2 fois par jour.